Metal Express avec Eric. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Heavy Metal. Radio Heavy Metal, je vous rappelle, c'est le https://radioheavymetal.site. Je vous rappelle donc que nous avons des applications pour nous écouter sur votre téléphone portable ou bien sur votre tablette tactile. Donc c'est Google Play et puis également Apple Store. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook, Instagram et puis Twitter. Je vais également remercier nos partenariats radio. Il y a Radio Fréquenzik, Indie Spirits et puis Canal Fuzz Radio. Je vais également remercier nos partenariats CD. Il y a Inverse Records, The Duet Agency, Kebras Records, Eli Promotion, Kebar Promotion et Inferno Records. Je veux aussi remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails à propos de la personne qui m'avait un petit peu insulté sur l'émission, qui avait dit l'émission était lamentable en 2018 du Metal Express. Mais c'est pas très grave, donc merci en tout cas à vous tous pour votre soutien. Ça m'a fait plaisir, tous vos messages. Je ne pensais pas que j'aurais eu tant de messages que ça. Et ben, je vous remercie encore à vous tous. Allez, on va passer donc à ce spécial Metal 80, donc comme chaque premier lundi du mois. On va démarrer avec le groupe canadien Triumph. Cet album s'appelle Sender 7. C'était leur 7e album. Il était sorti en 1984. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Spellbound. Allez, bonne écoute! We'll be right back. À l'instant, donc, dans le Metal Express, ce sont les Canadiens de Triumph avec Spellbound, un excellent album. Maintenant, on va retrouver un groupe français qui s'intitule Mystery Blue. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Rock'n'Roll Heroes. C'est sorti en 1984. Allez, bonne écoute! Rock'n'Roll Heroes, le groupe français Mystery Blues. Rock'n'Roll Heroes. Allez, voici Atlantis, ça s'appelle Rock'n'Roll. Le groupe s'appelle Atlantis avec Rock'n'Roll. Voici maintenant Tobruk. Le morceau porte le nom de l'album, ça s'appelle Wild on the Run. Come on. groupe anglais Tobruk, donc avec le morceau Wild on the Run. Et cet album porte le même nom, donc, et c'était sorti en 1985. Allez, je vous propose un groupe qui s'appelle Blitz avec le morceau Tarantella. Sont passés inaperçus dans les années 80 et pourtant c'était excellent. Ce groupe s'appelait Blitz avec Tarantella. Voici maintenant Northern Light et le morceau s'intitule It Hurts. Bon français, ça fait mal. Donc c'est un groupe qui s'appelle Northern Light qui est passé également inaperçu en 1987, donc avec un album qui s'appelait Shadow from the Wilderness. Allez, voici maintenant un groupe qui s'appelle Aphrodite et ce morceau s'appelle No Regrets. Elles sont suédoises, elles s'appellent Aphrodite. Et puis là également, elles ont fait un EP en 1986 et puis plus rien derrière. Donc c'est dommage, c'était du très bon heavy metal. On va écouter maintenant un groupe au nom de War Machine et ça s'appelle On the Edge. Là encore, un album qui est passé, donc, on va dire, au travers, puisqu'ils ont fait qu'un album. Donc, le groupe s'appelle War Machine, avec un morceau On the Edge. Voici un groupe au nom de Carrion, et ça s'appelle Antichrist. Don't have, don't say. or Christ. I'm no words to carry on. I'm no swan to the core. Just the old man, just the old man. I'm no dangerous. You better run for cover now. I know you bite the dust. Ow! Wow! Trust the old man, trust the old man, trust the old man is world. I'm a good man, I'm a bad man, I want a free from the curse. Don't hit, don't say, don't spend no life. I wanna kill, I wanna die, I wanna kill on Christ. Antichrist, Antichrist, that's what I need to be. Antichrist, Antichrist, when I come out. Out. Le groupe s'appelle Carrion, donc avec un morceau qui s'appelle Antichrist. Voici maintenant Sacred Child, l'album porte le nom du groupe. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Chariots of Fire. Bonne écoute. Le groupe donc s'appelle Sacred Child, comme le nom de l'album, et le morceau qu'on a écouté s'appelle Chariot of Fire. Voici maintenant Heir Apparent, et le morceau qu'on va écouter, The Servant. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Heavy Metal, et que c'est le Metal Express spécial Metal 80, pardon. Apparent avec The Servant. L'album s'appelait Grateful's Inheritance. Il était sorti en 1986. Voici maintenant Steel Vengeance avec le morceau Time to Live, Time to Die. Time, maybe. le groupe Steel Vengeance avec Time to Live, Time to Die. C'était un excellent album donc, qui s'intitulait Call of the Dogs, qui était sorti en 1985. Voici maintenant Rosy Vista. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Rocking Through the Night. Allemande, donc elle s'appelait Rosy Vista avec Rocking Through the Night. Là également, elles ont fait deux albums, on va dire deux EP, puisqu'elles ont fait une démo, pardon, et puis derrière un EP, et puis ça a été vite splitté derrière. C'est très dommage parce que c'était du très bon heavy metal. Allez, voici maintenant Primal Scream et ça s'appelle Kill the Light. Je vous rappelle que vous êtes dans le Metal Express et c'est le spécial Metal 80 et c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. We'll be right back. dangerous. Hell's getting turning gray. Kill the light, kill the dead. Voilà, je vais les laisser terminer. Donc, le groupe s'appelle le Primal Scream. C'est leur deuxième album. Et l'album s'appelle également Primal Scream, pardon. Et il est sorti le 4 septembre 1989. Donc, voici Hurricane. Et le morceau qu'on écoute s'appelle également Hurricane. Bonne écoute! Fight for the way you want to live. C'était donc leur premier album qui s'appelait Take What You Want, le groupe Hurricane. Et ce morceau s'appelait également Hurricane. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici maintenant Speed Queen et le morceau s'intitule Mr. Lee. L'album est sorti en 1980, donc il s'appelle Speed Queen, comme le nom du groupe. Et le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, Mr. Lee, donc voici maintenant Whiplash, et ça s'appelle Thrash Till Death. Yeah. le groupe américain Whiplash avec Thrash Till Death. Allez, voici maintenant Little Angel. Et le morceau qu'on écoute s'appelle All Lot of Love. Reprise, bien sûr, de Led Zeppelin. le groupe américain Leather Angel avec World of Love. C'est également un EP qui est sorti en 1982 qui s'intitulait We Came to Kill et puis plus rien derrière. Allez, voici maintenant Apocalypse et ça s'appelle Digital Life, pardon. We'll be right back. Le groupe s'appelle Apocalypse et l'album s'appelait également Apocalypse. Il est sorti en 1988 et le morceau qu'on a écouté s'appelle Digital Life. Voici maintenant Railway avec le morceau Breakout. Je vous rappelle donc que vous êtes dans le Metal Express et c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. S'appelle Railway, ça va super bien, pardon, qu'avec le groupe, je voulais dire plutôt le Metal Express, puisque Railway, ça veut dire chemin de fer, donc c'est parfait. Voici maintenant les Italiens, ils s'appellent Royal Air Force, et le morceau qu'on écoute, on écoute On Dive. Wake up, my hour is now. I know I will die. drops are on your brow. You're failing, you're here, you see your doom now. Death with a strong side is coming towards you. You know that your time is slowly passing through my italien Royal Air Force avec On Dive en bon français, en plongée donc. Ce EP est sorti en 1985, il s'appelait Royal Air Force. Ils ont fait deux albums derrière après en 88 et 89, et puis ensuite plus rien, comme les années des années 80. Beaucoup de groupes ont disparu malheureusement. Allez, maintenant voici Elixir et ça s'appelle le Pandérax Box. Bonne écoute! I'm asleep, you now, my daughter, with the key to all mankind. Within the lies the sins of all creation. And whatever happens to me, you must promise me one thing. You will never lift the lid for any reason. Oh, hey. The world's so full of beauty, where we have no fears or sins. For I keep hearing things said of le groupe britannique Elixir avec Pandora's Box. C'est un album qui est sorti en 1986 avec The Sound of Olden, le morceau, non je veux dire l'album, pardon. Voici Excess avec Too Much. Donc avec Too Much, c'est un groupe français donc, et ce premier album s'intitulait Melting Point qui est sorti en 1986 et puis ils en ont fait un autre en 1990 qui s'intitulait The Fatal Touch. Voici maintenant Iron Crust avec Fatal Will. Children are lying in us. goodness Christ, murdered by the one you praise. The will to die by hand tonight. Iron Cross avec Fatal Will. C'est un album qui est sorti en 1987 au nom de Church and State. Voici maintenant The Rocks, ça s'appelle The Beach is Back. Get your ass up, 'cause the bitch is back. The bitch is back. Voilà, donc c'est un groupe allemand, il s'appelait The Rocks, avec le morceau The Beach is Back, j'ai eu du mal, avec un album à l'époque qui s'appelait Which US Come, qui est sorti en 1988. Voici maintenant Centurion, ça s'appelle In the Night. Bonne écoute! Avec In The Night, donc à l'instant dans le Metal Express. Allez, on va poursuivre maintenant avec un groupe français qui s'appelle Demonize, et le morceau qu'on va écouter s'appelle L'Orgie des Damnés. Comme souliers Donc ce spécial Metal 80, c'est tout pour ce soir. Nous, on se retrouve donc lundi prochain, 19h-21h. Avec énormément de nouveautés. Podcast de l'émission, donc ça sera demain matin, voire demain soir sur la page Facebook Radio Heavy Metal, également sur la page Facebook Metal Express. L'émission donc sera également rediffusée sur Radio Fréquence Zik, c'est-à-dire mercredi de 22h à minuit, également le dimanche de 21h jusqu'à 23h, et puis elle sera rediffusée également sur Canal Fuzz Radio, c'est-à-dire demain soir de 20h à 22h. N'oubliez pas que si vous avez envie de m'écrire sur la boîte mail de Radio Heavy Metal que je vous donne, je vais vous la donner, j'ai du mal. C'est radioheavymetal76@gmail.com. Allez, moi je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à lundi prochain. Il est temps que j'arrête. Allez, ciao !